claires des passages, des trop beaucoup trop lourdes, où poussent des paysages, des salives qui s'assèchent en de grandes idées, des multiples de prêches, des langues évaporées. Quand le bidet naufrage, la faille s'est obstinée, y'a pas d'or chez les sages, la vie est une fée. Quand le bide est orage, la platisse est liée, et les mots des bas âges, bientôt élucidés. Des langues sans cagoule, sans peur de choquer, font exploser les foules, songes compartimentés. Des langues qui ravissent, qui suscitent l'enfer, et celles qui refroidissent tous les damnés de l'univers. Quand le bidet naufrage, la faille s'est obstinée, y a pas d'or chez les sages, la vie est une fée. Quand le bidet est orage, la platisse est linée, et les mots des bas âges, bientôt élucidés. Entre mondes déguisés, s'en sortir est un fait, plus ou moins déguisé. Réception des missions, cette langue est la tienne, je brouille sa précision, avouant que je peine. J'ai le bidet vrillé, faudrait que je...